Racine de moins 1, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine. Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'écouter la présentation par quelques auteurs et autrices d'un livre qui s'appelle Une autre histoire des 30 glorieuses, modernisation, contestation et pollution dans la France d'après-guerre. C'est un ouvrage qui est paru aux éditions La Découverte en 2013. C'est un ouvrage collectif qui contient une bonne douzaine d'articles divers et variés de la part de jeunes historiens qui revisitent cette période de l'histoire française, mais pas que, et qui démonte un peu le mythe des 30 glorieuses et un mythe qui continue encore à hanter la gauche sur cette période de modernisation et d'industrialisation à marche quelque peu forcée de la France de l'après-guerre. Et voilà, tout de suite, c'est une émission qui a été passée sur Radio Libertaire fin 2013. On entend Patrick Marcolini qui anime l'émission Offensive Sonore. Il interview Céline Pessis, une historienne, et Céline Topchou, également historienne. Donc tout de suite, je leur cède la parole et ensuite on détaillera peut-être un petit peu le contenu de cet ouvrage. Bah oui, je présente un petit peu les invités de l'émission de ce soir. Donc Céline Pessis, qui est doctorante en histoire à l'EHESS et qui travaille sur les technocraties coloniales, elle va publier aux éditions L'Échappée, maison d'édition libertaire, un livre qui s'intitule Survivre et vivre, critique de la science, naissance de l'écologie, qui porte sur un groupe écologiste précurseur des années 70. Et Céline Topchou, qui est historienne et sociologue des sciences et qui est spécialiste du nucléaire et qui vient de faire paraître aux éditions du Seuil un ouvrage qui s'intitule La France nucléaire, l'art de gouverner une technologie contestée. Et donc la raison de leur venue ce soir, et aussi de ma participation à l'émission parce qu'il se trouve que j'ai un peu participé au bouquin, c'est un livre qui s'appelle Une autre histoire des 30 glorieuses, qui est sous-titré, et le sous-titre à mon avis dit peut-être presque plus que le titre, Modernisation, contestation et pollution dans la France d'après-guerre. Pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit dans ce livre, il faut peut-être commencer par définir ce qu'on entend par les 30 glorieuses. Donc traditionnellement, dans l'histoire française, les 30 glorieuses, c'est la période qui s'étend de 1946 à 1975, c'est à peu près les bornes qu'on fixe à cette période. Donc grosso modo, on pourrait dire de la sortie de la Seconde Guerre mondiale, 1946, jusqu'au premier contre-coup de la crise économique au milieu des années 70. Et c'est une période qu'on définit comme 30 glorieuses parce que ça serait la période dorée de l'histoire de France, la période de plus grande croissance économique, d'accès au confort pour tous et toutes, de conquête du droit du travail, de développement culturel, et ainsi de suite. Donc ça c'est le récit qui est présent dans les manuels d'histoire, c'est ce qu'on raconte aux petits écoliers, c'est aussi ce que nos parents nous racontent de la période, souvent, pas toujours. Dans le livre, vous commencez par définir justement ces 30 glorieuses dans le récit officiel, en les définissant comme cela. Donc je vais lire juste quelques lignes de la préface. Vous dites « Les décennies d'après-guerre sont souvent vues comme une période de consensus sur les bienfaits du progrès scientifique et technique. La conflictualité sociale aurait porté sur la répartition des fruits de la croissance, mais non sur le sens du progrès lui-même. Enivrés par la croissance, absorbés par les choses, comme disait Georges Perec, en marche vers une civilisation des loisirs et de la consommation, la population française aurait joyeusement embrassé jusqu'au tournant de 1968 un modèle de société industrielle et technologique. » Alors vous dites « aurait joyeusement embrassé », puisque en fait le projet du livre « Une autre histoire des 30 glorieuses », c'est précisément de démontrer que les choses n'étaient pas si simples, que d'une part le progrès n'en était pas forcément un, qu'il y a eu aussi de profondes régressions dans cette époque, et d'autre part que ça ne s'est pas fait de manière aussi simple que ça. Est-ce que je résume bien le projet du livre, et qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus en fait sur cette période des 30 glorieuses? Quel était votre projet en fait quand vous avez conçu cet ouvrage? Bah, tout à fait, hein. C'était de revenir donc sur cette historiographie dominante qui est encore très largement transmise dans la plupart des manuels et des synthèses d'histoire. Et donc une histoire qui, même si on regarde les termes avec lesquels elle s'écrit, on parle souvent de la modernisation au singulier, comme si c'était une entité qui mouvait d'elle-même le social. Une sorte d'entité métaphysique qui planerait au-dessus de la société et qui la dirigerait vers l'avenir, vers un avenir radieux, quoi. Ouais, et puis c'est une histoire qui se focalise beaucoup sur des faits matériels, et c'est une histoire très économique et quantitative en ce qui concerne la période. Quantitative, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand on regarde ces ouvrages assez classiques, c'est vraiment des chiffres de taux d'équipement, d'accès aux outils de consommation de masse. Cézine ? Oui, c'est une histoire effectivement qui est aussi dans ce sens, dans un sens déterministe, dans la mesure où le progrès industriel chiffré, ou en tout cas caractérisé avec des chiffres à l'appui, est considéré comme la source de bienfaits sociaux, la source de progrès social. Et ce qu'on a visé donc à faire d'abord, c'était de faire éclater un peu ce regard-là, et surtout d'insister, et c'est pour ça qu'il y a des entre guillemets partout autour de l'expression Trente Glorieuses, d'insister sur le fait que c'est avant tout un mythe qu'un fait historique en tant que tel. C'est un mythe construit par les modernisateurs de l'époque eux-mêmes, par les promoteurs donc d'une certaine modernisation de la France, d'un certain progrès ou d'un certain développement techno-industriel et capitaliste présenté comme ayant fait consensus donc à l'époque, un mythe, un label, une étiquette, une publicité dans une certaine mesure qu'on a voulu mettre à nu en fait, y compris parce que cette histoire n'existait pas et n'existe pas, et c'est un projet donc à construire. Il faut aussi dire que les Trente Glorieuses, factuellement, c'est l'expression qui a été forgée par Jean Froissier, qui est donc un des justement planificateurs économiques de premier plan de l'époque, donc un expert au plan, qui a joué un rôle majeur en fait dans la conceptualisation même de la planification économique française, et plus encore dans la promotion donc d'une productivité en fait qui dans l'après-guerre devient une idéologie, un mot d'ordre de premier plan pour faire redresser la France, donc une France sortie de la guerre, une France nouvelle, une France voulue dégager de son héritage vichyste, une volonté de couper court en fait à une France considérée auparavant comme étant archaïque et voulue comme devant faire preuve de sa capacité à se renouveler, à s'adapter aux nouvelles exigences du monde, monde américain en grande partie, à s'adapter à la modernité, à la vie contemporaine. Et c'est dans ce sens que Froissier écrivait qu'en fait du coup les Trente Glorieuses devaient faire passer la France de la vie végétative à la vie contemporaine. Et c'était en fait tout un discours, une stratégie discursive voulue en tant que telle, très optimiste, donc enfin avant tout fruit d'un optimisme technocratique porté par des modernisateurs qui ont vécu la guerre et qui se sont donné cette mission changer l'ordre des choses. Et ce qu'il faut dire aussi, juste pour finir sur cette expression de Trente Glorieuses, c'est que c'est une expression qui a été forgée par Forestier, comme Cézine vient de le dire, et dans un livre dont le sous-titre c'est La Révolution Invisible. Et donc cette idée de Trente Glorieuses, c'est exactement ce que tu as dit en introduction, c'est que la modernisation se serait faite dans le consensus et dans la tranquillité, l'optimisme. Oui, sans que personne ne lève la voix contre cette entreprise de modernisation. Et donc au contraire, là-dessus, nous, on s'appuie aussi sur Christine Ross, qui a déjà proposé de considérer les Trente Glorieuses comme un événement, au contraire, pour montrer tout le caractère qu'il a à la fois de construit et de brutal. D'accord. C'est l'idée de réinterroger l'absence de conflictualité de la période. Peut-être pour nos auditeurs qui seraient, les plus jeunes, il faut peut-être dire par quoi ça se traduit concrètement, en fait, ces Trente Glorieuses. Qu'est-ce qui change dans la France de l'après-guerre ? En quoi consiste cette révolution qu'on prétend silencieuse ? Est-ce que vous pourriez donner des exemples concrets Les villes changent, les campagnes changent, les modes de vie changent, mais dans le détail, en quoi ça consiste? Parce que finalement, la France dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est le produit de cette mutation des Trente Glorieuses. Qu'est-ce qu'on peut en dire dans le détail? Bah, très largement, par exemple, c'est la bétonisation massive du territoire, avec la construction de routes et la démocratisation de la voiture, qui vient, et au contraire, la mise au rebut des lignes de chemin de fer. C'est la diffusion dans les produits de grande consommation, dans les bâtiments, dans le monde qui nous entoure, massive des produits chimiques, du plastique, de l'amiante. C'est des matériaux de construction qui changent, c'est du béton et du ciment qui s'imposent. Et donc c'est tout ça qui porte en eux-mêmes des conséquences sanitaires et environnementales dont on subit tous les méfaits aujourd'hui. C'est donc je vous fais un peu le tableau noir. Hein. Oui, mais je crois qu'il faut le faire. Oui. Qui a été appelé dans un article de l'ouvrage de Christophe Bonneuil et de Stéphane Frioux, ils ont appelé ça les 30 ravageuses. Donc j'en profite pour dire quand même que Christophe Bonneuil a aussi coordonné l'ouvrage avec nous. Et que... Oui, il est pas avec nous ce soir, mais il fait partie des personnes qui ont avec vous coordonné l'ouvrage. Oui. Et donc c'est une pollution massive, une artificialisation des sols, des eaux et de l'environnement en général. C'est un changement majeur dans le système énergétique qui perd très largement en efficacité avec le passage, par exemple, à la mécanisation agricole. Aussi au niveau des énergies, c'est le début du programme nucléaire. C'est le pétrole d'abord. Oui, le pétrole. Et c'est là. Et du coup, on passe du charbon au pétrole, c'est ça? Au pétrole, au nucléaire. Bon, côté, disons, massif, c'est évidemment l'accélération du développement industriel de la France. C'est l'accélération de l'urbanisation, la désertification des campagnes. Comme on vient de le dire, le recours massif à des produits jusqu'alors pas utilisés mais avérés toxiques d'une certaine façon. Les engrais aussi. L'amiante, les engrais chimiques, les pesticides. Côté positif, si on peut dire, en tout cas présenté comme positif, évidemment il y a des choses, c'est l'augmentation du PIB de l'ordre de 5% par an, donc à partir de cette période, c'est le plein emploi, ça c'est des choses qu'on ne peut pas nier en même temps. Ce qui explique aussi la nostalgie d'une bonne partie de la gauche et même de l'extrême gauche pour cette période en fait, voilà. Paradoxalement. Ouais. Exactement, c'est quand même la période effectivement qui encore donc dans cette marche forcée vers le capitalisme industriel, arrivait d'une part à contenir donc les voix qui pouvaient relever de victimes ou en tout cas de délaissés de ce développement, et d'autre part qui donc une période de marche forcée vers l'industrialisation n'était pas encore atteinte par ses limites à elle-même. Limite en termes de la terre, de l'environnement, puis aussi en termes économiques. Enfin, c'était pas encore la période de la crise, ni pétrolière, ni économique. Donc c'est d'une certaine façon une période. C'est pour ça peut-être qu'effectivement c'est contenu sur ces 30 années, puisque juste après, c'est-à-dire par le 74, on atteint la crise pétrolière, on atteint justement la baisse de plein emploi, aussi en termes économiques. Mais c'est cette période-là qui, d'une certaine façon, sert de bocal. C'est comme si on mettait un bocal, en fait, artificiellement, dans ces 30 années, toute une dynamique de deux siècles de développement capitaliste et techno-industriel, dont les effets néfastes portent leurs germes dedans, mais deviendront visibles sur l'espace public à partir notamment des années 70. On peut plutôt dire les choses comme ça. Après, évidemment, c'est ce qu'on essaye de montrer dans le livre. C'est pas pour autant que les voix critiques n'ont pas existé pendant cette période. Tout au contraire, on y reviendra. Et c'est pas pour autant même que les dégâts ne se sont pas avérés dès cette période. Tout au contraire. C'est pour ça d'ailleurs que donc il y a des articles, des auteurs comme Frioux, comme Bonneuil qui ont pu parler de 30 pollueuses, de 30 massacreuses, de 30 ravageuses, parce que c'est dès cette période en même temps. Voilà que il a été possible de voir les effets négatifs, les externalités négatives de cette modernisation autour des premières marées noires, des accidents industriels, de la raffinerie de Fézin par exemple de 66, des premières victimes de la silicose. Enfin, il faut quand même dire que par exemple il y a eu pendant ne serait-ce que ces 30 années, mais encore une fois, c'est pas limité à ces 30 ans. Hein. Mm-hmm. C'est juste que là, c'est un peu le visage beau, enfin, dépeint en rose d'une période présente en tant que telle. Mais même, ne serait-ce que dans cette période, on a eu 75 000 morts dû à la silicose, et puis l'amiante, comme on vient de le dire, devient massif, est utilisé massivement à partir de cette période dans les bâtiments. Donc, je crois que c'est 100 000 morts, l'amiante. 100 000 morts, mais en fait, à retardement, c'est-à-dire il y a, à partir de 1945, une construction tous azimuts, enfin, des millions de mètres carrés de murs, de béton. C'est 73 kilos par habitant. Voilà, qui sont peints de, enfin, qui sont dotés de l'amiante, mais finalement, effectivement, jusqu'en 96, où l'amiante sera finalement interdit, alors que on connaissait les effets néfastes dès le début du XXe siècle, les morts ou les victimes n'étaient pas comptées. C'est à partir du moment où on substitue ce produit par un autre que les institutions de l'État, les organismes de l'État vont commencer à comptabiliser en 96 pour dire entre 96 et 2025, donc à partir du moment où on n'utilise plus ce produit, on peut compter ou estimer à 100 000 le nombre de victimes de l'amiante. Mmh. Ouais, c'est même une des thèses de l'ouvrage aussi, c'est ce que vient de dire Céline. C'est que le bilan de cette période-là, on ne peut pas le tracer exclusivement sur ces 30 années-là. Mmh. Il faut remettre en cause la coupure historique, parce que si on veut considérer les conséquences des pollutions sur les corps et sur l'environnement, ça nécessite une autre comptabilité historique et qu'on n'est pas forcément en mesure de mener, parce que les chiffres n'ont pas été produits à l'époque, on ne réfléchissait pas non plus avec les mêmes catégories, etc. C'est ça qui est intéressant dans le livre, c'est que vous vous attaquez non seulement à ce grand récit des 30 Glorieuses dont là on a parlé la face noire de cette période, mais aussi en montrant que c'est une forme de construction historiographique, enfin la construction de la période sous le nom 30 Glorieuses participe aussi de la construction de cette légende, et vous justement vous déplacez un petit peu à la fois les frontières chronologiques et les frontières géographiques, c'est-à-dire dans l'introduction de l'ouvrage vous montrez bien que isoler les 30 Glorieuses comme une période extraordinaire dans l'histoire moderne et contemporaine de la France n'a pas de sens, dans la mesure où il y a des continuités profondes entre, c'est ce que Céline vient de dire, entre l'histoire capitaliste et industrielle de la France dès la Troisième République et encore même avant, jusque dans cette période post-1945, et que de la même manière, 1968, vous le dites à un autre moment de la préface, ne représente pas vraiment une césure, parce qu'en fait les mouvements qui s'expriment en 68 et qui sont pour une large part des réactions à cette modernisation à marche forcée de la France, ces mouvements-là s'étaient déjà développés dès les années 1950 pour certains d'entre eux, dont vous citez des exemples, les premiers mouvements écologistes, les communautés pacifistes, le terme écologiste, voilà, environnementaliste, ouais. Biologique, ou bien aussi vous citez les mouvements anticolonialistes ou anti-impérialistes, les pacifistes par exemple, la communauté de l'Arche avec Lanza del Vasto, enfin il y a des choses qui remontent encore bien au-delà, et je disais aussi, vous déplacez un peu le regard au niveau géographique, puisque vous signalez bien que c'est pas une histoire qui concerne juste la France stricto sensu, mais que ça concerne aussi ce qu'on appelait à l'époque l'Empire, c'est-à-dire en fait les colonies de larges portions d'Afrique et d'Asie. Et oui, puis, parce que là, quand on emploie rien que le terme 30 Glorieuses, c'est sous-entendu que c'est la France, la croissance française, et d'emblée on s'attarde à une vision du territoire national comme indépendant du reste du monde. Quoi. Voilà. Comme si on projetait l'aujourd'hui sur le passé. Et il y a une autre chose aussi sur laquelle vous n'insistez pas trop, mais qui me semble importante pour comprendre tout ça, c'est aussi l'intégration de la France dans ce qui n'est pas encore l'Union Européenne, enfin dans la communauté du charbon et de l'acier, qui à mon avis est aussi un rôle important en fait dans cette mutation de la France, et aussi le plan Marshall dans l'après-guerre qui contribue à cette modernisation entre guillemets économique et technologique de la France de l'époque, qui se fait sous la contrainte en fait directe des capitaux américain, et d'une part, et d'autre part d'une volonté de contre-hégémonie de la part des puissances européennes pour se dégager de l'emprise américaine. Et en fait, dans ce tiraillement entre les deux, se produit aussi cette modernisation contrainte de la France de l'époque. Exactement, et se reconstruit une vision mythique de l'identité et de l'unité nationale, mais aussi en démarcation à cette domination américaine au contraire. Mmh. En démarcation, mais aussi avec le soutien de, c'est-à-dire comme tu viens de dire, c'est-à-dire dès la fin des années 40, évidemment, les modernisateurs français au sein du commissariat au plan, en fait, vont mener leur mission de productivité sous le financement entre autres, hein, pas seulement, mais des États-Unis, donc il y a le plan Marshall, il y a donc l'aide américaine, il y a les visites donc continues entre les États-Unis, enfin des experts français donc menés aux États-Unis pour échanger, en tout cas voir si justement la productivité industrielle française pouvait atteindre le niveau américain, puisque c'est toujours la mesure qu'on prend à l'époque, hein. Voilà, il faut que le consommateur français soit tiré au même rang que le consommateur américain, au même titre que l'ouvrier français produise de façon aussi efficiente que l'ouvrier américain, pour que voilà, la France puisse en fait mener à bien cette mission-là. Donc c'est aussi pour cela que cette modernisation a été en même temps dénoncée en tant que modernisation, américanisation, de la part de notamment de syndicats comme la CGT qui au départ participait aux travaux de Centre national de productivité et qui s'en est retiré, entre autres pour ces raisons-là. La complainte du progrès. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil. Ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois, s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre, on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous? La vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à les ventres de tomates, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on s'aide, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et donc, La complainte du progrès par Boris Vian, une chanson qui a été écrite et enregistrée en 1955, donc en plein dans cette période des Trente Glorieuses dont il est question dans cette émission de Racines de Moins 1 qui est consacrée à l'ouvrage collectif Une autre histoire des Trente Glorieuses, modernisation, contestation et pollution dans la France d'après-guerre. Un ouvrage qui a été coordonné par deux historiennes et un historien, Céline Pessis, Cézine Topchou et Christophe Bonneuil. Voilà, on continue donc cette émission sur Radio Zinzine qui détaille le contenu de cet ouvrage. Oui, alors jusqu'à présent, on a essayé de faire un petit portrait à la fois des Trente Glorieuses dans leur aspect positif. On n'a peut-être pas assez insisté justement sur cette présentation comment dire, du côté glorieux, en fait, des Trente Glorieuses, qui est souvent utilisé dans l'idéologie qui tourne autour de cette période, et puis en même temps de montrer leur part négative, et puis surtout de montrer votre projet intellectuel, en fait, autour du livre. Maintenant, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail, et de voir dans ce mythe des Trente Glorieuses, ce qui a été un peu le refoulé de l'historiographie dominante. Donc je m'explique, par exemple, sur quelques cas très concrets, on insiste beaucoup pour parler de cette période sur ce qu'elle a apporté de positif. Par exemple, on va insister sur les grandes campagnes de construction, de logements, notamment de logements à prix réduit un peu partout en France suite aux destructions liées à la guerre. On va insister aussi sur le développement de la mobilité avec l'arrivée de la voiture, donc de liberté de déplacement que ça offre aux Français de l'époque. Dans un autre domaine, on va insister beaucoup sur la mécanisation, en fait, d'un certain nombre d'activités, même l'automatisation, qui fait que dans le domaine de la production, le travail va en être facilité, il va y avoir aussi une production beaucoup plus grande qui fait baisser la pauvreté, et puis aussi l'équipement domestique, qui fait que le travail ménager lui-même, pour les femmes notamment, va être allégé, facilité, etc. Et puis une dernière chose sur laquelle on insiste beaucoup dans les aspects positifs de cette période, qui fait qu'elle est restée comme un bon souvenir pour beaucoup de Français, c'est aussi le développement, enfin l'amoindrissement progressif des industries lourdes, des travaux les plus durs, et le développement des services du secteur tertiaire qui créent des nouvelles formes de travail plus intellectuelles, moins fatigants physiquement, et tout un tas de services à la personne qui rendent la vie quotidienne beaucoup plus aisée. Donc en fait, c'est un peu sur ces aspects-là que repose l'historiographie lumineuse des Trente Glorieuses. Mais en même temps, sur chacun de ces cas, on pourrait montrer que, au contraire, il y a un refoulé de cette histoire, qui est le coût social, le coût économique, le coût humain, le coût environnemental, que représentent tous ces aspects dits positifs des Trente Glorieuses. Juste pour reprendre les exemples que j'ai donnés, par exemple, sur lesquels on va revenir maintenant, les constructions de logements, le développement de l'automobile, ça veut dire aussi un enlaidissement des villes, ça veut dire aussi une destruction de l'environnement, des pollutions sans nombre dont vous avez déjà parlé mais sur lesquelles on va revenir. De la même manière, la mécanisation de la production, l'équipement électroménager, en fait, ça nécessite des ressources énergétiques accrues, et donc là aussi, en dehors du coût écologique que ça représente, ça veut dire aussi une exploitation accrue des pays qui sont à l'époque des colonies, chez lesquels on va extraire les ressources énergétiques. Et puis le développement des services et du tertiaire, en fait, on pourrait croire que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le passage à la société post-industrielle, mais en fait c'est juste une industrialisation encore plus grande, ce qui signifie aussi la disparition de toutes les classes sociales qui n'étaient pas liées à l'industrialisation, et une disparition qui parfois équivaut presque à une mort programmée par les planificateurs dont on parlait tout à l'heure, et donc notamment l'agriculture, le petit commerce, la paysannerie. Voilà, c'est des classes sociales qui sont condamnées à mort, en fait, dans cette évolution. Alors si on revient sur chacun de ces points, par exemple dans l'ouvrage, il y a quelques articles qui sont consacrés à la question de la pollution, qui est liée au développement, enfin entre guillemets, hein, de la France de cette époque. Et notamment, il y a deux questions qui me semblent intéressantes. Bon, il y en a une qui est la question du nucléaire, que Cézine, tu as traité notamment dans ton article. Puis il y a la question de l'atmosphère aussi, c'est-à-dire la pollution atmosphérique de l'air qui devient irrespirable, qui est une vraie question sanitaire et écologique qui se pose aussi à cette époque-là, pendant ces fameuses Trente Glorieuses, chose qu'on n'aurait pas dite. On a l'impression d'avoir découvert ces pollutions-là après, dans les années 70, mais en fait, elles sont déjà très présentes à cette époque. Oui, le nucléaire, effectivement, c'est en fait tout d'abord une mise en spectacle des essais atomiques atmosphériques pendant cette période. On en a plus que plus de souvenirs, mais en fait, il faut se mettre un peu dans le paysage de l'époque, des années 50 et 60, où, imaginez-vous bien, on va assister, le monde entier va assister en fait à un spectacle, véritable spectacle de l'explosion d'environ 1000, 1500, voire 2000 bombes, en fait. Dont la plupart plus puissantes que celles qui ont dévasté donc Hiroshima et Nagasaki, notamment à partir de 54, où donc les États-Unis en premier lieu commencent à tester leurs bombes à hydrogène. Donc un paysage où la Terre entière en fait va être empreinte de la radioactivité, de la pollution issue de de ces explosions atmosphériques, rien qu'en 62, il y a eu environ 350 explosions, donc en une seule année, qui a mené ensuite à l'interdiction par le traité de Moscou, de 63, des essais atmosphériques. Du coup, les puissances nucléaires, le globe atomique, s'est orienté vers les explosions souterraines. Voilà, donc une période où effectivement, on parle de l'anthropocène, l'anthropocène dans le sens que l'homme est devenu la force géologique majeure dans la transformation de la planète Terre, et c'est d'abord le nucléaire, c'est d'abord l'atome, c'est d'abord la radioactivité, parce que évidemment les terres ont été contaminées pour des dizaines, voire des centaines de milliers d'années, à partir de cette période-là. Oui, et puis, bien sûr, ça concerne la planète entière, mais en ce qui concerne la France, par exemple, c'est aussi des bombes qu'on a fait exploser à des endroits bien particuliers, non ? Oui, bien sûr, c'est des bombes qu'on a fait exploser effectivement dans les anciennes colonies ou les encore colonies à l'époque, c'est-à-dire d'abord en Algérie, puis en Polynésie. Le CEA a quand même envisagé, il faut le dire, en 60, de faire exploser aussi des bombes sous forme souterraine en Corse. Mais ça a par exemple fait l'objet de mobilisation, donc ça n'a pas été réalisé. Bon, à part cet aspect, il y a aussi la question des déchets déjà qui se posaient à l'époque, parce qu'il faut le dire, en fait, il n'y avait pas eu de réglementation dans l'immersion des déchets en fait, radioactifs dans l'océan à l'époque. Et donc, les Anglais, les Français, les pays nucléaires ont pu enterrer des déchets radioactifs dont l'existence a été découverte que assez tardivement. Par exemple, prenons le cas de la fosse des Casquets dans la Manche, où les Anglais avaient en fait enfoui entre 50 et 60, environ 20 000 tonnes de déchets radioactifs, dont la présence n'a été découverte grâce à des ONG écologistes que dans les années 90, par exemple. Donc voilà, il y a tous ces aspects-là, effectivement, d'externalité négative liée à un mode de développement atomique. Bon, évidemment, l'atome, le nucléaire, ça faisait partie en premier lieu de ce projet de la grandeur de la nation, de construction d'une grandeur, comme dit aussi Gabriel Hecht, qui est aussi une des auteurs de l'ouvrage et qui d'ailleurs dit quelque chose de plus que cela même. Elle dit qu'en fait, c'est à partir du moment où la France, justement, doit faire le deuil de son empire que, en fait, elle s'accroche à l'atome pour se faire rayonner sous une autre forme donc technologique. Donc c'est aussi un peu cet aspect-là. À ce sujet, parce qu'il y a aussi un article de Gabriel Hecht dans l'ouvrage qui revient aussi sur tout ce refoulé des Trente Glorieuses, qui s'appelle, je crois, le silence des Trente Glorieuses. Et donc il revient sur l'exploitation de l'uranium en Afrique. Et donc il montre les conséquences que ce furent pour les mineurs à Madagascar, au Gabon et au Niger, qui n'étaient pas dotés du savoir scientifique et technique qui permettait de prendre compte directement de la radioactivité qu'ils recevaient. Et dont les conséquences se révèlent aujourd'hui, quoi. Et surtout, il faut dire qu'effectivement, peu de Français le savent, mais la nucléarisation de la France ne pouvait être possible que grâce à l'uranium des colonies. Parce que l'uranium en France a été épuisé assez rapidement. Donc si le Niger ne fournissait pas de l'uranium, c'est d'ailleurs le deuxième pays producteur de l'uranium au monde, tout en étant le pays le plus pauvre au monde d'ailleurs, si le Niger ne fournissait pas cet uranium-là à la France, et cette électricité nucléaire de l'ordre de 78% à l'heure actuelle n'aurait pas été possible. Donc c'est d'abord une électricité fournie par les Africains. Et il faut dire effectivement que c'est dès cette période-là que les mines d'uranium, c'est à partir des années 60, donc les mines d'uranium nigériennes, entre autres, d'abord au Madagascar, au Gabon, commencent à être exploitées, et c'est effectivement au détriment de la dévastation de la nature, de l'environnement, mais aussi de l'état sanitaire des mineurs, qui, encore une fois, n'a été connu ou n'est connu que très tardivement. C'est à partir de l'an 2000 qu'une controverse va se lancer, va surgir, d'ailleurs être lancée à l'initiative même des Africains, c'est-à-dire la France, y compris le moment anti-nucléaire français, ne s'intéressait guère en fait à la question, ne s'est pas intéressé à la question jusqu'en 2000, où il y a eu finalement une alerte de premier plan de la part des travailleurs nigériens pour dire écoutez-nous aussi, on est en train de mourir, de s'asphyxier, notre nature on n'en a plus, notre environnement on en a plus. En plus on n'est même pas riche et vous l'êtes, donc voilà. Donc il y a tous ces aspects-là effectivement qu'il faut prendre en compte quand on parle de la gloire. Gloire pour qui ? Vous donnez aussi l'exemple de la pollution de l'air liée au rejet automobile, et notamment du fait que les industriels vont fixer eux-mêmes les normes qui vont permettre de rendre cette pollution invisible. Alors oui, alors c'est une pollution atmosphérique qui n'est pas seulement liée à l'automobile, hein, qui est liée aussi à la consommation effectivement des ménages, à toute la politique de reconstruction industrielle de la France. Et effectivement, donc c'est une pollution dont l'expertise va être très largement prise en charge par les industriels eux-mêmes, et donc qui vont par là parvenir à s'affirmer comme les représentants de l'intérêt national et les interlocuteurs des pouvoirs publics. Et puisqu'ils vont parvenir à capter dans leur rang des médecins et des universitaires, et qu'ils vont développer eux-mêmes leur propre laboratoire pour mesurer cette pollution de l'air. Et donc on passe ainsi d'une phase qui était plutôt critique, avec des alertes notamment sur les conséquences en termes de cancer, à une relative invisibilisation de ce problème. Donc c'est Stéphane Friou qui a étudié cela, et qui vient également de sortir un ouvrage donc qui revient sur une histoire plus longue, et pas seulement sur les Trente Glorieuses, de cette pollution de l'air. Donc auparavant, c'était une pollution qui était très largement attribuée au rejet industriel. Et ce qui va se passer en partie durant les dites Trente Glorieuses, c'est qu'il va y avoir un déplacement du problème, puisque la pollution de l'air va être plus largement attribuée à l'urbanisation et aux conséquences de la consommation des foyers. Et donc on assiste à un glissement de la responsabilité, avec des campagnes qui vont nous inviter à nous équiper et à faire attention à notre propre consommation, avec une responsabilisation individuelle et non plus des industriels eux-mêmes. Alors il y a une autre chose dont on a parlé un petit peu de manière latérale, c'est la question de la mécanisation, et pas seulement dans le monde industriel, mais aussi dans le monde agricole, où il va y avoir une industrialisation de l'agriculture en fait, qui se développe beaucoup à ce moment-là. On a parlé un peu des engrais chimiques. Ça signifie aussi progressivement la disparition d'une classe sociale qui auparavant était majoritaire en France, qui a été longtemps le centre de gravité même politique de la vie française, qui est la paysannerie, et qui va se retrouver réduite à la portion congrue, puisque au sortir des Trente Glorieuses, elle est dans une situation minoritaire. Aujourd'hui, on peut même plus parler de minorité. En fait, statistiquement, elle a quasiment disparu. Et d'ailleurs, sur le plan qualitatif, l'agriculture d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'agriculture vivrière qui pouvait exister encore dans la France du passé, entre guillemets, pour dire ça comme ça. Est-ce que vous pouvez faire un petit portrait, en fait, à la fois de cette élimination de la paysannerie progressivement, et puis aussi de l'évacuation hors de l'histoire des classes sociales qui étaient liées à la France, notamment on parlait du petit commerce. Dans le livre, il y a un article notamment qui porte sur la question des marins pêcheurs, et de comment est-ce qu'ils sont aux prises avec cette modernisation en fait de leur activité, avec les normes qui sont posées sur leur travail. En fait, bon, la question d'agriculture en tant que tel devait être traité dans le livre, et il n'a pas finalement pu être fait. Vous l'évoquez quand même dans la On l'évoque dans la préface. Quand même, effectivement, parce que effectivement, bon, c'est un des secteurs qui se transforme de fond en comble là, pendant cette période-là. On assiste effectivement à une mise en rendement de l'agriculture. Enfin, donc un rendement se double, en même temps la consommation énergétique va se tripler. Donc il y a une inefficacité énergétique assez inhérente à cette mécanisation agricole en fait pendant cette période. Bon, ça c'est un aspect. Après effectivement il y a la disparition de la petite paysannerie. Enfin, tu dis effectivement aujourd'hui on peut même pas parler de la paysannerie. Moi j'ai des copains qui font de l'agriculture biologique et qui se présentent en tant que paysans fantômes. Alors qu'au début de Trente Glorieuses, c'était quand même ce qu'on peut appeler voilà, aujourd'hui l'agriculture biologique, mais qui a été mise à l'écart au profit d'une industrialisation, d'un recours aux engrais chimiques. Effectivement, c'est une révolution silencieuse parce que l'organisation s'est faite de façon très rapide et silencieuse, de sorte que la régularisation vienne permettre en fait de faire vivre cela d'une certaine façon, pour faire rendre acceptable en fait ce fait-là. Et concernant la pêcherie, effectivement, on a un article qui est celui de Gabriel Boulot qui explique bien comment on assiste en fait à une marginalisation progressive mais très efficace de ce qu'on appelait à l'époque des pêcheurs à la ligne urbains, c'est-à-dire des pêcheurs qui faisaient leur pêche, on dit, je crois, dans le milieu urbain au lieu de le faire dans le milieu rural et qui en fait assez rapidement se rendent compte de la pollution énorme dont fait l'objet les rivières pendant cette période, puisqu'il faut le dire, c'est la période où on commence à déverser de façon massive en fait des produits industriels, des déchets industriels toxiques, du mercure, du plomb, donc dans les rivières. Et finalement, ces pêcheurs étaient les premiers lanceurs d'alerte en fait de ce phénomène de pollution, pour dire que finalement que c'était un problème à prendre en charge. Sauf que encore une fois, les modernisateurs de l'époque, cette fois c'est par exemple la commission de l'eau de Plan, qui assez rapidement fait savoir de façon d'ailleurs assez autoritaire que une rivière, ça n'est pas pour rester pure, c'est pour servir à une cause nationale qui est celle de permettre donc le développement et l'enrichissement industriel du pays. Et c'est dans ce cadre-là précisément que la voix de ces pêcheurs va rapidement être marginalisée. L'État va mettre en place une expertise quantitative, entre autres, mais une expertise en tout cas scientifique qui va servir de voix d'autorité face à la voix, donc en tout cas le cri d'alerte de ces pêcheurs. Cette expertise qui va, au lieu de prendre le problème de la pollution des rivières comme un problème à résoudre, va plutôt viser à le rendre optimal, ou en tout cas, par exemple, peut-être en même temps, l'eau potable va manquer pour les villes, pour Paris. À ce moment-là, effectivement, le problème sera petit à petit reconnu, mais tout en sachant que il faut le faire selon des critères économiques, et la voix des pêcheurs en même temps sera rendue de plus en plus illégitime, puisque on leur dit vous êtes des gens qui vous souciez davantage de votre loisir que de l'intérêt de la nation, donc vous avez qu'à aller pêcher à la campagne, et si vous n'avez pas les moyens de le faire, c'est votre problème. Donc du coup, ils vont devenir vraiment les arriérés, les ridicules, les sans moyens d'une modernisation dans laquelle ils essaient d'exister. Et c'est une rhétorique de l'intérêt général qu'on va retrouver assez fréquemment dans tous les projets d'aménagement du territoire, notamment je pense au cas des barrages hydroélectriques qui vont être construits, donc toujours sur la question de l'eau, où va y avoir des oppositions assez fortes. C'est notamment le cas le plus connu, c'est celui du barrage de Tignes, où va y avoir une réelle opposition des habitants dont le village a été enfoui pour la construction du barrage, et où va se déployer cette rhétorique de l'arriération et de l'intérêt général. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant dans le livre, c'est de voir que finalement cette rhétorique qui était utilisée dans le cadre colonial, finalement, est aussi utilisée que dans une sorte de colonisation intérieure du pays par les élites modernisatrices, avec ce discours de « les campagnes sont arriérées ». Alors il y a une citation que vous donnez qui est frappante, c'est pour ça que je vous interrogeais sur la paysannerie. C'est celle d'un historien, qui est un historien en plus réputé de la paysannerie, Auger Laribé, qui en 1955 écrivait, je cite, hein, « l'agriculture, homme et usage, n'a guère changé depuis l'Antiquité, pour ne pas dire depuis le début des temps historiques. Même aujourd'hui, dans quelques campagnes attardées, il nous arrive de rencontrer tel paysan dont le vêtement couleur de terre, l'outil qu'il porte à l'épaule, le langage, l'allure lente et lasse, évoquent un vilain du Moyen-Âge. » Et un autre endroit, vous citez Fourastier, dont on parlait tout à l'heure, donc qui faisait partie de ces planificateurs, qui dit « il faut que la paysannerie s'affranchisse de son état larvaire et même de sa vie végétative traditionnelle. » C'est effectivement, c'est sans doute dans le monde rural, effectivement, que les mutations ont été les plus profondes et les plus violentes. Et donc, ce qui explique aussi la violence de ces discours modernisateurs et cette assimilation au passéisme qui est renvoyé constamment aux paysans pour produire un paysan productiviste, intégré, moderne, consommateur, qui va aussi générer un malaise profond, et notamment entre les générations au sein du monde paysan. Du coup, ça me fait surgir à l'esprit quelque chose, alors je crois pas que ce soit évoqué dans le livre, mais le fait qu'on disait que les mouvements qui ont fait mai 68 avaient commencé dans les faits bien longtemps avant, la dénonciation de cet état de fait, on la retrouve dans les mouvements régionalistes qui émergent dès les années 50 et qui dénoncent le colonialisme dont fait preuve le pouvoir français vis-à-vis de leurs provinces, qui sont souvent des provinces agraires et qui sont dénoncées comme arriérées, à développer, etc., exactement comme l'étaient les colonies, en fait. Enfin, c'est quelque chose qu'on a assez peu évoqué, ce que tu mentionnais, Patrick, l'histoire de ces mouvements régionalistes dès le début des années 50 et qui reprennent cette rhétorique de la colonisation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, ben en fait, en deux mots, dès le milieu des années 50, la fin des années 50, en fait, il y a des courants au départ qui se définissent comme régionalistes et puis qui vont finir par se définir comme indépendantistes dans différentes régions, Bretagne, Occitanie, c'est-à-dire tout ce qui est au sud de la Loire, grosso modo, et Corse, qui vont développer un discours qui est souvent repris en fait aux luttes de libération nationale, notamment algérienne, qui est un discours anticolonial en désignant le centre du pouvoir, Paris, et puis la France ou les Français, ou l'État français en tout cas, comme une entité colonisatrice qui développe sur le territoire de la métropole exactement ce qu'elle a développé dans les colonies, c'est-à-dire des formes de quadrillage de l'espace, d'extraction des ressources naturelles, d'exode forcé des populations pour les emmener à d'autres points du territoire, et de décomposition de la culture propre de ces populations. Et donc notamment il y a Robert Laffont, qui est un des fondateurs de l'occitanisme, qui développe ça dans plusieurs livres, dont un qui s'appelle Décoloniser la France, je crois, ou Décoloniser les régions. Mais on retrouve la même chose chez François Fontan, qui est un des fondateurs aussi de l'occitanisme, qui d'ailleurs avait soutenu le FLN et qui a été même mis en prison pour son soutien au FLN, qui après va créer le Parti Nationaliste Occitan, qui a ce discours de critique de la colonisation intérieure. En fait, le syntagme colonisation intérieure se retrouve chez beaucoup de ces mouvements-là dès la fin des années 50, et puis surtout dans les années 60. Dans les années 60, c'est là où ces mouvements-là se éclosent et se développent véritablement. Merci. Non, mais non. Vous écoutez Radio Zinzine, c'est l'émission Racine de moins 1, et on vient d'entendre une présentation par un certain nombre d'auteurs et d'autrices de Une autre histoire des 30 glorieuses, modernisation, contestation et pollution dans la France d'après-guerre. C'est un ouvrage qui est paru aux éditions La Découverte en 2013. Qui a été dirigé donc par Céline Pessis, Céline Topchou, qu'on vient d'entendre, donc, qui était interviewée par Patrick Marcolini, qui dirige une collection aux éditions L'Échappée. Voilà, cet ouvrage est en deux parties. Une partie, on pourrait dire, analytique sur la modernisation au cours des Trente Glorieuses, la geste modernisatrice, la première partie, et une deuxième partie qui s'appelle des résistances au progrès et de l'art de les marginaliser. Donc là, la présentation était essentiellement basée sur la première partie. Dans une seconde émission, j'essaie de faire la seconde partie de cette présentation, donc sur les résistances au progrès. C'est donc un ouvrage collectif qui contient environ une quinzaine d'articles, une introduction en finir avec les 30 Glorieuses par Christophe Bonneuil, Céline Pessis et Céline Topchou, donc les personnes qui ont dirigé cet ouvrage. Dans la geste modernisatrice, la première partie, premier article, les 30 ravageuses, l'impact environnemental et sanitaire des décennies de haute croissance par Christophe Bonneuil et Stéphane Friou. Deuxième article, l'histoire et l'idéologie productiviste, les récits de la révolution industrielle après 1945, par Jean-Baptiste Fressoz et François Jarige. Troisième article, Jean Forastier, apôtre de la productivité, dire et administrer le progrès, par Régis Boula. Quatrième article, la pollution de l'air, un mal nécessaire, la gestion du problème durant les 30 pollueuses, par Stéphane Friou. Cinquième article, le Grand Paris sous la tutelle des aménageurs, planification des usages, critique et résistance dans les années 1960, par Loïc Vadelorgue. Sixième article, la machine au secours de l'empire colonial, la mécanisation de l'agriculture et ses détracteurs en Afrique tropicale française, par Céline Pessis. Et enfin, septième article qui clôt cette première partie, l'empire nucléaire, les silences des Trente Glorieuses, par Gabriel Hecht. Dans la deuxième émission, on détaillera un petit peu plus le contenu de la deuxième partie sur les résistances au progrès. Sur ce, eh bien, cette émission va se terminer dans quelques instants. Pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas l'émission Racine de Moisin, il se trouve que je suis en train de rédiger ou d'essayer de mettre au point un texte qui présente les éléments d'une critique de la société capitaliste et industrielle. Ça s'appelle La réappropriation contre le progrès. Ça sera aussi un texte en deux parties, une partie critique du capitalisme industriel et une seconde partie sur les moyens d'en sortir, de s'y opposer, etc. voilà, si vous voulez lire en avant-première cette petite brochure, la première partie fait déjà 80 pages environ. La deuxième partie devrait en faire autant, mais la deuxième partie n'est pas encore tout à fait terminée. Donc voilà, si vous voulez lire la première partie, je peux vous l'envoyer en format papier uniquement par le courrier en écrivant à Trambert l'adresse de Radio Zinzine 04 300 Lignement. Bien, sur ce, je vous dis à la prochaine. Racine de Moisin, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine.